Thank you. se ressemblent quand ils sont pétris de bonheur. Les minutes qui les assemblent sont lourdes et tristes sans couleur. Parfois j'entrevois, il me semble, un pâle rayon, une fleur. Je m'approche et ma main qui tremble ne saisit que l'ombre. Semble se complaire dans un silence cruel. Hélas, je ne sais que faire. Réponds vite à mon appel. Ton amour m'est nécessaire. De ma vie, il est le miel. Ton cœur semble se complaire dans un silence cruel. Il n'est plus de fleurs sur terre, de gris est vêtu le ciel. Dans un silence cruel, ton cœur semble se complaire. Ton cœur semble se complaire. Ton cœur semble. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.